matin, il fait froid, j'ai peur. Va me couper, va me trier, il fait froid, j'ai peur. Il fait froid, j'ai peur. Prendre un poumon, voler mes reins bien vivants. De mille et mille cris. Moi, c'est mon cœur qui a chanté les rires du vent. Aucune balle, trop de dégâts, je voudrais moins cher. Je vais mourir condamné à vivre par petits morceaux. Il fait froid, j'ai peur. Déjà là-bas, un autre attend, il va prendre, me prendre. De mille et mille cris. Moi, c'est mon cœur qui a chanté les rires.